vrai quand moi je deviens hors du commun. Ne me comparez pas, je suis hors du commun. Mister C-R-O-M-A. Hors du commun. C'est hors du commun. C'est hors du commun. Dès que j'ai le vrai quand moi je deviens hors du commun. Ne me comparez pas, je suis hors du commun. Mister C-R-O-M-A. Hors du commun. C'est hors du commun. C'est hors du commun. Je reviens comme un boomerang. Faut que ta bande est ton gang. Encore une fois, me revoilà pour un putain de gang bang. Je vois qu'un accord demande. Veulent passer tes commandes. Je fume plus d'un truc que je fume de peu en Hollande. Hey, tu peux attendre, tes oreilles vont m'entendre. Les réals et prépa, je fais que de les entreprendre. Nique la flamme, simple ceux qui me ressemblent. Ensemble on se rassemble et les autres équipes tremblent. Appelle-moi piétineur, des boiteurs ou des fourrailleurs. Rappeur, va voir ailleurs ou t'auras affaire au flow balayeur. Gros mitrailleur, tu peux aller te checker. J'ouvre le mic, je le bouffe comme si c'était un chicken chica. J'ai l'accent parisien, le pain comorien. Je veux qu'on m'écoute en ville et même dans les patelins. À la bien, comme soprano, j'opère en solo et j'explose les solos. Hors du commun, ne me comparez pas, je suis hors du commun. Mister C-R-O-M-A. Hors du commun, c'est hors du commun, c'est hors du commun. Dès que j'ai le mic en main, je deviens hors du commun. Ne me comparez pas, je suis hors du commun. Mister C-R-O-M-A. Hors du commun, c'est hors du commun, c'est hors du commun. Le son te monte au faussaire comme si t'étais en concert. Derrière ça dit tout le monde clair. Frère, c'est Mister CR. Ça arrive même pas à y croire. Comment je prends du territoire? Comment je t'attrape le premier noir à s'emparer du pouvoir? Je vise le sommet, je viens tout dégommer. Mon nom, je viens le graver, personne pourra le gommer. Ceux qui me connaissaient pas, je vais tout faire pour qu'ils me découvrent. Dès la première écoute, y'a pas de doute et qu'ils s'approuvent. Les mixtapes, les comptes, j'ai toujours répondu présent. C'est pas de ma faute, y'en a qui sont pas sortis jusqu'à présent. Prends la parole en disant que je rappe depuis mes 10 ans. Pas besoin d'en dire trop pour faire taire les médisants. Orchestré comme l'opéra, tu verras mon crâne zéra devant les caméras. Oppressant, écrasant, imposant, explosant, agressant, blessant, descend, ressent. Dès que j'ai le mic en main, je deviens hors du commun. Ne me comparez pas, je suis hors du commun. Mister C-R-O-M-A. Hors du commun, c'est hors du commun, c'est hors du commun. Dès que j'ai le mic en main, je deviens hors du commun. Ne me comparez pas, je suis hors du commun. Mister C-R-O-M-A. Hors du commun, c'est hors du commun, c'est hors du commun. Quand je chuchote, je veux que les gens suffoquent, surchoquent, car la technique est en surstock. Ambiance et tu pivotes, t'as te tes gigotes. Ils veulent un pull-up, que je continue sur la même note. Mais je n'y vais pas de main morte, mes lyrics te sabotent. J'amortis la liberté, on n'est jamais loin des menottes. Je veux que mes couplets se développent, qu'ils soient au top du top. Je veux pas que mes projets marchent, moi je veux carrément qu'ils galopent. Dès que j'ai le mic en main, je deviens hors du commun. Ne me comparez pas, je suis hors du commun. Mister C-R-O-M.